Allez, maintenant, on vous sert la chronique blockbuster de Frédéric Sigrist. Enfin, peut-être, hein, parce que je suis pas sûr que Frédéric ait trouvé de l'inspiration, lui. Frédéric, il paraît que cette semaine médiatique vous a beaucoup déçu. Ah oui, Mathilde, très déçu. Alors, j'ai bien vu Emmanuel Macron mardi en train de faire une imitation du chanteur Garou, tout en me conseillant de me faire vacciner une troisième fois en allant chercher du boulot, sinon il me coupait les allocs. Réussir à augmenter les radiations avant même de relancer le nucléaire, c'est aussi ça, l'exception culturelle française. Mais nulle part, on a rendu hommage à Dean Stockwell, qui nous a quittés à l'âge de 85 ans. Et là, je sais que les auditeurs chez eux sont en train de se dire « Oh, mais il a bigrement raison !» Ou « Dean Stockwell, c'est qui ?» Dean Stockwell vous dira le véritable cinéphile, vous savez, le père Fouras du 7e art. « Oh, c'est cet acteur qui a reçu le prix d'interprétation masculine à deux reprises au Festival de Cannes pour Le génie du mal en 1959 et Long voyage vers la nuit en 1962. C'est également Paris, Texas, de Wim Wenders, Dune ou Blue Velvet de David Lynch. » Mais pour moi, enfant de la télé des années 80, qui peut vous chanter par cœur le générique de la pub Banga, allez hop, on y va, moi aussi. Je vais pas le faire quand même. Dean Stockwell. En route pour l'aventure. Voilà. On connaît ces classiques. Hein. Dean Stockwell, c'était surtout Hal, l'hologramme, dans la formidable série Code Quantum. Code Quantum, cette série culte de Donald P. Belisario qui voyait le docteur Samuel Beckett, joué par le toujours impeccable Scott Bakula, sauter d'une époque à l'autre et d'un corps à l'autre, un peu comme Rocco Siffredi, mais tout public, Mathilde. Rectifiant les erreurs du passé tout en espérant revenir chez lui dans le futur. Et pour ce faire, il était accompagné de Hal, l'hologramme joué par Dean Stockwell, un beau parleur qui portait toujours des chemises hawaïennes en fumant le cigare. Imaginez Jacques Dutronc aurait joué Magnum. Dean Stockwell illuminait la série de ses répliques cinglantes et d'une sympathie qui faisait oublier le côté cheap de la série. Parce que oui, le docteur Beckett remontait dans le temps, mais attention, uniquement dans la deuxième moitié du 20e siècle, aux États-Unis, et que dans des endroits qui ne nécessitaient pas un gros budget de reconstitution historique. Hein. Code Quantum, c'était Retour vers le futur avec le budget de C'est pas sorcier. Dean Stockwell a également joué dans une autre série marquante de la science-fiction, Battlestar Galactica, où il jouait le glaçon John Cavill, le plus cruel des Cylons. Alors un Cylon, Mathilde, ouais, c'est un grippin qui aurait mal tourné. Mais quels que soient ses rôles, Dean Stockwell s'est resté Hal de Code Quantum. Et c'est ça la force de la pop culture, c'est qu'au bout d'un moment, l'acteur et le personnage qu'il incarne se confondent. Par exemple, Harrison Ford sera toujours Indiana Jones, Sarah Michelle Gellar sera toujours Buffy, Hugh Jackman sera toujours Wolverine des X-Men. Quand je le vois faire des claquettes dans The Greatest Showman, je me dis que Wolverine, entre deux combats à coups de griffe, eh ben, il kiffe le musical. À la fin de la série Code Quantum, on apprend que s'il avait voulu, Sam Beckett, le héros, aurait pu rentrer chez lui depuis le début. Spoiler, il ne le fera finalement jamais. Et beaucoup de fans en ont été déçus. Pourtant, ce que Code Quantum nous apprend, c'est que le voyage est souvent bien plus enrichissant que la destination. La série nous démontre que ça ne sert à rien de retourner dans le passé, si ce n'est pour en tirer des leçons et en réparer les erreurs. Alors Dean Stockwell non plus ne rentrera plus chez lui, on le sait désormais, mais peu importe, le voyage fut beau, et pour cette belle carrière et ses rôles incroyables, je n'ai qu'une chose à dire, comme Samuel Beckett, bravo. Frédéric Sigrist, c'était la chronique Blockbuster et les dernières secondes de ce 5-7. Elles sont réservées à mon équipe. Un immense merci à tout le monde et notamment à la réalisation Johanna Gabric et Guillaume Roux. Bonjour Nicolas Demorand. Bonjour Mathilde Munoz. Eh ben c'est parti pour le 7-9. Bah oui, on y va. Bon week-end à vous. France Inter, 7h.